La boussole, la boussole, la boussole. Pierrot à la prod, à la prod, à la prod. Ta place TMC, 700. Tu m'appelles, tu m'appelles. Aïe, aïe. En vrai, je suis contradictoire, je veux plaire et je m'en fous. Exemplaire, moi t'es fou, je pars quand faut créer victoire. Du mal à gérer mes joies, dans la merde jusqu'au cou. Vie amère comme beaucoup, mais faut assumer ses choix. L'impression que ma vie s'échoue, niveau patrimoine c'est chaud. J'ai même plus de quoi pécho et la peine affiche mes joues. J'entends, mais une me suffit amplement. Plus besoin que je rentre le ventre, cacher ma colombe le vent. Ça fait deux fois 9 ans que je connais ma femme. Elle sait qu'elle est ma cam, connaît mes désirs macabres. Moi j'ai toujours la dalle, heureux dans mes addictions. J'en paierai l'addition et mon cancer. Chaque jour j'avale, je demande plus la balle. Personne ne voit mes appels, comme si tout le monde me zappait. J'ai ni le Covid ni la gale. Je rappe pas moi, je déballe tout ce que j'ai sur le cœur. Et je pourrais prendre des balles pour arrêter un violeur. Pendant qu'on vit à l'heure des réseaux de cas sociaux qui nous rendent asociaux, chacun veut son ascension. Besoin d'attention et de reconnaissance. On veut vivre dans l'essence, donner à sa vie un sens. Dans les commentaires, le niveau frise le malaise. Tout le monde devient balèze ou à une mère qu'à la braise. Là mon ego commence à sentir à l'aise. J'aimerais crier à ou bien me jeter d'une falaise. Ayant ta place, y'a plus de place, j'ai torturé mon cahier. Je ne sais m'exprimer que par rature, pourtant je suis pas le genre à brailler. J'ai déjà la barre à barrer, je suis plus au bar, je pense qu'à me barrer. Enfant modèle cachera sa batte en quittant la baraque. En carafe, je me repose que sur ma mine, j'ai v'là l'écart en sapalier, plus d'énergie comme alcaline. J'en suis revenu les caïcalines, je fais des promesses d'avenir, je préfère me buter à la cale. En réalité, vais-je les tenir, fichi agrippe la boussole. Sur le bateau, y'a pas de radin, on recherche juste le ticket d'or pour quitter nos cages à la pain. Je suis pas meilleur, juste seulement ceux qui sans s'assumer se rincent. Je reprocherai jamais aux potes Omar d'avoir une paire de pain. Car j'ai rien d'affaire de l'ange, j'arpente l'enfer dedans. Fuis mes fautes, mes devoirs, suppliant pour l'enfermement. Responsabilité, ça soule, bah ouais, c'est le déferlement. Si tu veux défier le pouvoir, suffit de défaire le manche. C'est la palabre du dernier rang, c'est la balade du bout du banc. Le ballast qui tabasse le beat dans la tangène enterrement. Mais dans les rangs, on développe la mentale de la rentière. Perdu dans les méandres, Pierrot, vas-y, file-moi vite à l'enterre. File-moi le temps, le cadran, l'aiguille ne fait que me mentir. Vu ma tronche, je ne souhaite une chose, c'est de la voir ralentir. J'ignore ce que le mal en tire, paraît que les as sont des menteurs. Je te développe pas ma hantie, je touche ma tête. J'arrive pas déguisé, y'a que le rap pour aiguiser nos serres. Direct tu sais qui c'est, capuchon de pique en guise de holster. On écarte les faussaires, dont le seul but est de finir en poster. Je pense qu'à trimer, enfermé dans ma piole comme Jodie Foster. Il paraît qu'il faut se taire parce qu'on dérange ceux qui n'aiment pas penser. J'écris les tripes en l'air pour les peu de gens qui ne les ont pas pensé. Pas du son pour danser, sauf si tes neurones n'ont des pattes. Beaucoup trop dur, c'est pas ma valeur en euros qui fera compter pattes, bien sûr. Beaucoup trop chaud d'art qu'on faut poser, au moins pose des schémas. Mais ma passion se trouve à l'opposé, paraît qu'il faut doser. Mais le peu rap prend les trois quarts de ma Eve, le temps m'échappe. Souvenirs se font vieux autant que les cartes d'Anif. Putain, à peine 24 années, qu'est-ce que je fous là? Enivré par la rime, l'avenir est loin dans ma tête de soulard. Tu veux les dessous de l'art? Regarde la passade des quotidiennes, ça fait pas grave. Pourtant, c'est grâce à ça si j'ai les crocs qui tiennent. La boubou, la boubou.